السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، avant de commencer, on remercie les frères qui ont organisé ce séminaire qui a pour but de montrer les aspects de l'islam. Nous les remercions car ils ont pensé du bien de leurs frères en les invitant. Et nous remercions également toutes les personnes présentes et tous ceux qui vont participer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptation et la récompense qui en découle. Nous commençons notre cours ou notre rappel par un hadith qui nous est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Bukhari rahimahullah. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nous dit: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par les intentions. Les actes sont considérés en fonction des intentions. Celui donc qui émigre vers Allah et son messager, alors son émigration ne sera comptée comme telle. Et celui qui émigre dans le but d'acquérir un bien mondain ou d'épouser une femme, alors son émigration lui sera comptée selon le but pour lequel il a émigré. Beaucoup de savants de l'islam, de la sunna, ont débuté les livres dont ils sont les auteurs par ce hadith. Pourquoi ? Pour rappeler à celui qui va lire et pour se rappeler lui avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte des actes que ce qui a été fait pour sa satisfaction, que ce qui a été exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous informe ici que le jour du jugement dernier, ce jour-là où les gens seront nus, pieds nus, et où ils auront des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, ces actes qu'ils ont faits dans ce bas monde ne seront considérés qu'en fonction de leurs intentions. Si leurs intentions étaient bonnes, ces actes leur seront acceptés, et si leurs intentions étaient mauvaises, ils leur seront rejetés. Nous voyons donc l'importance de la bonne intention lorsque la personne désire se rapprocher d'Allah. subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce dont nous allons parler, la sincérité, l'ikhlas. Sachez que la sincérité est la base de cette religion. La sincérité est un acte qui vient du cœur, sans lequel aucune parole n'est acceptée, aucun acte n'est accepté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à cet état, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été ordonné que de n'adorer Allah sincèrement, lui vouant un culte exclusif, puis d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voici la religion de droiture. Quelle est la vraie religion? La religion de droiture qu'Allah accepte, subhanahu wa ta'ala, celle qui est précédée par la sincérité dans tous les actes. Également, un compagnon que l'on appelle Abu Faras al-Aslami, radiallahu anhu, nous dit, Nada rajulun, Ya Rasulallah, man iman, faqal alayhi salatu wassalam, al-ikhlas, rawahu al-Bayhaqi, wa sahahahu al-Bali, rahimahullah. Ce compagnon dit, un homme a levé la voix en disant, ô messager d'Allah, définis-moi la sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, pardon, définis-moi la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, la sincérité. Dans le verset, nous voyons que la religion, c'est la sincérité. Et dans le hadith, nous voyons que la foi, c'est la sincérité. Tout cela pour nous montrer que c'est la base. C'est la base de tous les actes, c'est la base de toutes les paroles, c'est la base de tout ce que le musulman veut faire pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'aucun acte n'est accepté si ce n'est avec la sincérité. Abu Umama radiallahu anhu nous dit, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الحجر وذكر ما له؟ أن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يجيب: Que dis-tu d'un homme qui part en expédition militaire et qui a pour but le butin et que l'on fasse ses éloges? Qu'aura-t-il comme récompense? فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il n'aura rien. فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ. Alors ce compagnon répéta cette question trois fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, il n'y a rien pour lui, il n'y a pas de récompense. ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah, exalté soit-il, n'accepte que des actes que ce qui lui est exclusivement réservé, que ce qui lui est dédié sincèrement, et ce par quoi l'on recherche son visage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre en ce hadith que la condition pour l'acceptation des actes, c'est la sincérité. C'est le fait que la personne ne désire par cette action que la récompense d'Allah, que la satisfaction d'Allah, que l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith nous est rapporté par l'imam al-Nasa'i et il est jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah. L'imam ibn al-Jawzi rahimahullah a dit, « لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا حتى تبلغ الموقف. » Il nous dit, si tu vas accomplir tous les rites du pèlerinage et que tu te rends à tous les endroits où il faut aller, tu ne seras considéré comme étant pèlerin que lorsque tu iras à Arafat. Pourquoi il nous dit ça? Pour nous montrer que de la même manière, tous les actes que tu fais et toutes les paroles que tu prononces ne seront acceptées que si tu vas à la sincérité, que si tu celle-ci que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, attire notre attention sur l'importance qu'a la sincérité chez Allah subhanahu wa ta'ala. Après nous avoir montré que les actes ne valent que par les intentions, il nous montre dans un deuxième hadith, selon Abu Huraira, il nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. Les hommes ou les gens seront ressuscités en fonction de leur intention. C'est-à-dire que lorsqu'ils seront ressuscités, Allah subhanahu wa ta'ala les jugera en fonction de l'intention qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient les actes dans ce bas monde par lesquels ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith nous est apporté par Ibn Majah et il est jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah. Après avoir entendu tous ces hadiths, nous voyons l'importance de la sincérité, car sans la sincérité, la personne coupe ses liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment une personne qui coupe ses liens avec Allah peut-elle réussir dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà? Comment une personne qui veut, par ses actions religieuses autres que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-elle être agréée par Allah? Comment peut-elle être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala? La sincérité consiste à vouer l'acte exclusivement, entièrement, à un seul ou une seule divinité qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on appelle la sincérité en arabe l'ikhlas, qui vient du mot khalis ou khalasa, khalusa, qui veut dire purifié. On appelle en arabe le miel pur al-asal al-khalis ay safi. Le miel pur, nous disons de celui-ci al-asal al-khalis en arabe. L'intention pure, nous disons de cela en arabe al-niyat al-khalisa. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, nous a montré la sincérité et ses mérites en nous encourageant à être sincères. Dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de façon directe la sincérité. Allah nous dit « Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlishan lad-din ala lillahi din al-khalis. » Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité, adore donc Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif. La religion pure, sincère, n'appartient-elle pas à Allah? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Huwa al-hayyu la ilaha illa hu, fad'uuhu mukhlisina lahu d-din, alhamdulillahi rabbi alameen. » Il est le vivant, en parlant de lui-même, il est le vivant, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration à part lui. Adore-le donc, ou invoque-le donc, sincèrement, en lui vouant le culte. Puis il dit, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se décrire comme étant sincère. Allah dit à son prophète, قل الله أعبد مخلصا له ديني. Dis, c'est Allah que j'adore sincèrement en lui vouant mon culte. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, certes ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé. Et c'est ce qu'il m'a ordonné de dire et de faire. C'est ce qu'il m'a ordonné et je suis le premier des soumis. Dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il nous a créés pour que l'on se concurrence dans la sincérité et la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي Il est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour voir qui d'entre vous est le meilleur en action. Et un des grands imams que l'on appelle Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit Huwa akhlasuhu wa aswaduhu. Les meilleurs actes ou le meilleur des actes est celui qui est le plus sincère et le plus correct. Un des hommes qui était avec lui lui dit Ma akhlasuhu wa aswaduhu. Quel est l'acte le plus sincère et le plus correct? Il répondit Inna al-amala in ila kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa ila kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba fal khalis huwa alladhi yakunu lillah wa sawab huwa alladhi yakunu 'ala sunnah. Puis il répond, certes, l'acte n'est pas l'acte qui est correct n'est pas accepté s'il n'est pas accompagné de la sincérité. Et l'acte qui est dédié sincèrement n'est pas accepté s'il n'est pas correct. Et l'acte sincère est celui qui est fait pour Allah seul. Et l'acte correct est celui qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint son prophète sallallahu alayhi wa sallam de fréquenter les bonnes personnes qui sont décrites comme étant sincères. Allah dit à ce sujet وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Allah dit et patient, fais preuve d'endurance en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin comme le soir. Ils désirent par cela le visage de leur Seigneur. Ils invoquent Allah sincèrement. Alors, fais preuve d'endurance en fréquentant ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ceux qui ont réussi dans ce bas monde et qui réussiront dans l'au-delà comme étant sincères. Allah dit فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne donc aux proches leurs droits, ainsi qu'aux pauvres et aux passants, aux voyageurs. Voici ce qui est meilleur pour ceux qui désirent le visage d'Allah, ceux qui sont sincères. Et voici ceux qui auront la réussite. Qui sont-ils? Ceux qui ne désirent par leurs actes que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah nous décrit les caractéristiques des gens du paradis, il nous montre que parmi les actes qui les a menés à entrer au paradis, la sincérité. Allah nous dit à ce sujet que ces gens-là, lorsqu'ils donnaient des aumônes et nourrissaient les pauvres, ils disaient إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Nous vous nourrissons, nous vous donnons la nourriture en aumône et nous ne faisons cela que à la recherche du visage d'Allah, que pour Allah. Et nous ne voulons pas de vous de rétribution et nous ne voulons pas non plus de vous de reconnaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ces gens-là vont entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui œuvrent sincèrement pour Allah recevront une énorme récompense. Allah dit La khayra fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah nous dit Il n'y a pas de bien dans beaucoup de leurs discussions, min najwahum, dans beaucoup de leurs discussions secrètes, les discussions secrètes entre les gens. La plupart de ces discussions sont dénuées de bien. Il n'y a pas de bien dans beaucoup et dans la plupart des discussions secrètes qui sont faites entre les gens, sauf ceux qui discutent secrètement pour une de ces trois choses qu'Allah va nous citer. Sauf celui qui ordonne de donner une aumône ou qui est en train de faire un acte de bien ou une réconciliation entre les gens. Et celui qui fait cela à la recherche du visage d'Allah, alors nous leur donnerons bientôt une énorme récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala a diversifié dans le Coran les versets dans lesquels il nous encourage à être sincères, en nous parlant de la récompense que gagnera celui qui est sincère. Et sachons que la sincérité, après avoir vu ces quelques textes, sachons que la sincérité a des mérites dans la vie du croyant, et que le premier des mérites de la sincérité, c'est la joie et la félicité dans cette vie avant l'au-delà. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah nous dit: celui qui œuvre dans le bien, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous lui donnerons sa rétribution en fonction des meilleures actions qu'il faisait. Allah nous montre que celui qui fait une bonne action, tout en étant croyant, tout en ayant la foi, et nous avons vu le premier hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la foi est la sincérité. Celui qui fait une bonne action et qui œuvre dans le bien en étant sincère, Allah subhanahu wa ta'ala bénira sa vie dans ce bas monde. Il verra la vie facile et il aura la joie dans le cœur, cette joie que tant de personnes recherchent et derrière laquelle la plupart des gens courent sans emprunter les vraies voies qui mènent à celle-ci. Le premier bienfait ou les mérites de la sincérité, la bonne vie, la réussite dans ce bas monde. Deuxièmement, celui qui est sincère et qui ne veut par ses actes que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala verra sa subsistance augmenter et verra ses soucis se dissiper. Combien sont ceux qui ne peuvent plus supporter leurs soucis? Combien sont ceux qui souhaitent que leur bien et leur subsistance augmentent? Voici la route ou la voie imminente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme nous rapporte cela Anas ibn Malik radiallahu anhu: من كانت الآخرة هما جعل الله غناه في قلبه من كانت الآخرة هما جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. Il nous dit: celui qui a pour préoccupation première l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la richesse dans son cœur. Il mettra la richesse dans son cœur et il lui facilitera tout ce qu'il entreprend. Et le bas monde lui courra derrière, viendra derrière lui en courant. Parce que celui qui a créé ce bas monde et qui le détient, c'est Allah. Et Allah le donne à qui il veut. Et parmi les gens à qui il le donne, ceux qui sont sincères dans leurs actes. Puis il nous dit: وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّا جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ. Et celui qui a pour préoccupation première ce bas monde, celui qui a pour préoccupation première ce bas monde, Allah mettra devant ses yeux la pauvreté et il lui rendra difficile tout ce qu'il entreprend. Et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a destiné. Ce hadith nous est rapporté par At-Tirmidhi et il est authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. Parmi les mérites de la sincérité, le pardon des péchés, même s'ils sont des grands péchés. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر. Il nous dit: une sorte d'action Il se peut qu'une personne fasse une sorte d'action et qu'il la fasse ou qu'elle la fasse correctement en étant sincère et en étant complète dans sa dévotion pour Allah. Et par celle-ci, Allah lui pardonnera des grands péchés. Ensuite, il nous apporte ou il nous mentionne un hadith qui nous est rapporté par Muslim selon Abu Hurayra, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أبلع لسانه أي أخرج لسانه من شدة العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. Une femme prostituée, c'était une femme croyante mais faible, à tel point où elle est tombée dans cet acte. Une femme prostituée a vu un jour un chien assoiffé qui laissait sa langue pendre et sortir de sa bouche tellement il avait soif. Pris par la pitié et l'affection envers ce chien, elle a enlevé son rouf, c'est-à-dire la chaussette en cuir que l'on met, que la personne porte. Elle l'a enlevé, elle l'a rempli d'eau, puis elle se met à abreuver le chien et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonna donc ses péchés. Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها وإلا فليس كلما بغي سقت كلبا يغفر لها. Nous dit: cette femme a abreuvé ce chien avec une foi complète et une sincérité complète. C'est par cela qu'Allah Azza wa Jalla lui a pardonné ses péchés. Car ce n'est pas toute femme prostituée qui, lorsqu'elle donnera à boire un chien, elle verra ses péchés pardonnés. Elle a donné à boire un chien et Allah lui a effacé ses péchés, pas pour l'acte en lui-même, mais pour la sincérité qui habitait son cœur lorsqu'elle a fait cette action. Également, parmi les mérites de la foi, le fait que lorsque la personne a l'intention de se rapprocher d'Allah par un acte qui à la base n'est pas une adoration mais qui est simplement un acte permis, verra cet acte devenir une adoration et il verra sa récompense le jour où il rencontrera Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu: innaka lam tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma taj'al fi imra'atik. Rawahu Bukhari. Tu ne donneras pas ou tu ne dépenseras pas ou tu ne donneras pas en aumône une chose par laquelle tu désires le visage d'Allah sans que tu sois récompensé jusqu'à la nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme. Celui qui est sincère, il est récompensé dans tout ce qu'il fait. Il est récompensé lorsqu'il marche pour aller à la mosquée. Il est récompensé lorsqu'il attend la prière. Il est récompensé lorsqu'il rentre chez lui. Il est récompensé lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il dort. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit: wa inna min al-nas laman idha kana fil khala kana fil ibada. Il y a parmi les gens, des personnes qui, lorsqu'ils accomplissent leurs besoins, sont en adoration. Parce qu'ils ont pour but de se débarrasser de ce qui causerait une gêne ou troublerait leur concentration dans la prière. Parmi les mérites de la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala suffit à son serviteur sincère. Il le protège, il le couvre, il le guide et il lui facilite tout ce qu'il entreprend. Allah a dit: alaysa Allahu bikafin 'abda. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? De qui Allah parle si ce n'est de son serviteur qui est sincère, qui a voué tous ses actes à son Seigneur et qui n'a recherché par ceci que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nous dit: man khalusat niyyatuhu fil haqq walau ala nafsi kafahu Allah ma baynahu wa ma bayna an-nas. Celui qui purifie son intention dans la vérité, dans les actes qu'il fait, en faisant un effort sur lui-même, Allah lui est suffisant et le protégera de ce qu'il y a entre lui et les gens. Parmi les mérites de la sincérité dans l'au-delà, celui qui est sincère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour lui. L'imam al-Bukhari rahimahullah nous rapporte, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après qu'Abu Huraira lui dit, ô messager d'Allah, ya Rasulallah, man as'ad al-nas bi shafa'atik yawm al-qiyamah, qui est celui qui se réjouira de ton intercession le jour de la résurrection? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à la fin du hadith, as'ad al-nas bi shafa'atik man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi, celui qui se réjouira de mon intercession le jour de la résurrection, c'est celui qui dira la ilaha illallah sincèrement de son cœur ou sincèrement de lui. Voici l'importance de la sincérité et les mérites qui en résultent. Quel est le contraire donc de la sincérité? Quel est le contraire de la sincérité qui est le pire des péchés qu'Allah nous en préserve? Ce péché contre lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde, également son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux versets dans le Coran et dans de nombreux hadiths, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ostentation qu'on appelle al-riya. L'ostentation qui consiste à faire l'acte en voulant autre qu'Allah, en voulant autre que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'imam Ahmed nous rapporte selon Mahmoud ibn Labi, إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ Certes, la chose que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Et ça, les compagnons dirent, oh messager d'Allah, quelle est l'association mineure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, الرياء, l'ostentation. L'ostentation, le fait de vouloir les éloges des gens, le fait de vouloir gagner un bien mondain, le fait de vouloir être reconnu, le fait de vouloir être aimé par les gens. Puis le prophète nous dit, يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Allah dira aux gens qui faisaient l'ostentation de ce bas monde, dirigez-vous donc vers ceux que vous recherchiez par vos actions et demandez-leur donc s'ils ont une rétribution à vous donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme nous rapporte cela l'imam Ahmed dans un hadith authentique, selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه فصغره وحقره. Celui qui par ses actions cherche à se faire une réputation chez les gens, Allah subhanahu wa ta'ala montrera son vrai visage et montrera ce qu'il avait dans le cœur le jour du jugement dernier. Puis il le rabaissera et il l'humiliera. Wal'iyadu billah. L'imam Muslim nous rapporte selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna awwal an-nas yuqda alayhi yawm al-qiyamah. Certes, le premier qui sera jugé le jour de la résurrection, rajulun ustushhid, un homme qui est mort martyr. فأتي به فعرفه نعمها نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Le premier homme qui sera jugé le jour de la résurrection est un homme qui est mort au combat. On le fera venir et Allah lui montrera ses bienfaits, le courage qu'il avait au combat. Il lui dira ensuite, qu'as-tu fait pour avoir ces bienfaits? Il répondra, j'ai été combattre pour toi jusqu'à la mort. pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, tu mens, mais tu as fait cela pour que l'on dise, un tel est courageux, et certes, cela a été dit. Puis, il ordonnera aux anges de prendre cette personne et de la faire traîner sur son visage jusqu'à ce qu'elle soit lancée en enfer. والعياذ بالله ورجل تعلم العلم وعلمه فقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته فقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو عالم فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Puis un homme qui a étudié la science et qui l'a transmise et qui récitait le Coran, on le fera donc venir et Allah lui dira, après lui avoir montré cette science qu'il lui a donnée et après lui avoir montré le bienfait de l'apprentissage du Coran, Allah lui dira, qu'as-tu fait pour cela? Il répondra, j'ai étudié la science et je l'ai enseigné et j'ai récité pour toi le Coran. Allah lui dira, tu mens, mais tu as fait cela pour que l'on dise que tu es un savant, et tu as récité le Coran pour que l'on dise de toi que tu es un récitateur. Puis il ordonnera aux anges d'attraper cette personne et de la faire traîner sur son visage jusqu'à ce qu'elle soit lancée en enfer. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ. Et un homme à qui Allah a élargi ses biens et sa subsistance et à qui il a donné toutes sortes de biens, فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمًا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Et un homme que l'on fera, un homme qui était riche, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera venir et lui dira, qu'as-tu donc fait pour cela? Il répondra, j'ai donné en aumône, j'ai donné pour toi, ya Allah, j'ai été généreux pour toi. Allah lui dira, kadabta, tu mens, mais tu as fait cela pour que l'on dise que tu es généreux. Puis il ordonnera aux anges de traîner cette personne sur son visage jusqu'à ce qu'elle soit lancée en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rapporté par Muslim. Certes, Allah ne regarde pas vos corps ou vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. À quoi ça sert de faire un acte pour les éloges des gens si ta réputation tombe devant Allah? Si tu n'as aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le musulman doit combattre sa propre personne jusqu'à devenir sincère et jusqu'à ce que ses actes ne soient voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a dit dans le hadith Qudsi, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. Je suis celui qui se passe le plus des associés, celui qui fait un acte dans lequel il m'associe à autre, il désire Allah et en même temps autre qu'Allah, comme les éloges des gens ou autres, je l'abandonne, lui et son acte. Les paroles des pieux prédécesseurs sont nombreuses concernant le combat qu'ils menaient pour purifier leur cœur de mauvaises intentions et de la recherche d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fudayl رحمه الله nous dit, إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. Allah ne veut de toi que ton intention et ta volonté. Il ne veut de toi que tu sois sincère. سهل ابن عبد الله رحمه الله دين أشد شيء على النفس الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. Il dit, la chose la plus difficile pour l'âme, c'est la sincérité, car l'âme n'a aucune part dans la sincérité. Sufyan al-Thawri رحمه الله دين ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. Je n'ai jamais lutté une chose en moi plus difficile que mon intention, car elle change sans arrêt. Yusuf ibn Hussein, rahimahullah, a dit, « A'azzu shay'in fi dunya l'ikhlas, وكم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. Il nous dit, la chose la plus difficile dans ce bas monde, c'est d'être sincère. Et combien sont les efforts que je fournis pour débarrasser mon cœur de l'ostentation, et on dira que l'ostentation revient d'une autre couleur. Ces gens-là savaient l'importance de la sincérité, et ils connaissaient également la gravité de l'ostentation. Voici donc certains signes de la sincérité. Lorsque la personne n'aime pas être connu, cela est un signe de sa sincérité. Lorsque la personne n'aime pas qu'on lui fasse les éloges, cela en est un également. Lorsque la personne est motivée pour fournir des efforts dans la religion d'Allah, lorsque la personne s'empresse à accomplir les bonnes actions en espérant la récompense d'Allah, lorsque la personne patiente lors de l'épreuve et supporte et ne se plaint pas du destin qu'Allah a décrété, lorsque la personne est motivée pour cacher ses actes, lorsque la personne multiplie les actions en secret, tout cela sont des signes de la sincérité de la personne. Et il y a certaines choses que les gens pensent être des signes d'ostentation, d'hypocrisie, mais qui n'en sont pas. Parmi ces choses, le fait que la personne entende des gens faire ses éloges sans qu'elle ne demande cela. Lorsqu'un compagnon est venu et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, que penses-tu d'une personne qui fait des bonnes actions et qui entend les éloges des gens? C'est-à-dire qu'il ne veut pas cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tilka ajilu bushra al-mu'min. Voici la bonne annonce faite dans ce bas monde aux croyants. Voici la bonne annonce faite dans ce bas monde aux croyants. Également, lorsque la personne devient célèbre ou connue à cause d'un acte ou de plusieurs actes qu'elle a fait, sans qu'elle ne cherche à être connue, cela ne fait pas partie de l'ostentation à partir du moment où la personne n'a pas pour but d'être connue. Également, le fait de porter des beaux vêtements, cela ne fait pas partie de l'ostentation. Le fait de cacher ses péchés, cela ne fait pas partie de l'ostentation. Comment combattre l'ostentation? Quels sont les moyens qui mènent à repousser ce péché, cette maladie? Ils sont de deux catégories. La première, c'est le fait de repousser l'ostentation avant de faire l'acte. Et la deuxième, c'est le fait de repousser l'ostentation pendant l'acte. Le premier consiste à avoir constamment dans le cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît le détenu des poitrines et des cœurs, et que si tu fais un acte avec lequel tu recherches les éloges des gens ou autre que la satisfaction d'Allah, alors sache qu'Allah surveille ton cœur et qu'il dévoilera ce cœur qui cherche à plaire à autre qu'Allah le jour de la résurrection. Et cela aide à repousser. Également, le fait que la personne se mette à l'esprit, pourquoi faire un acte pour autre qu'Allah, alors que le bien tout entier n'est que dans la main d'Allah, alors que la récompense tout entière n'est que dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pourquoi faire un acte et vouloir par celui-ci être accepté par les gens et aimé par les gens, si après la personne sera détestée par Allah, si après la personne ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque la personne commet un acte dans lequel elle commence cet acte en étant sincère, mais pendant qu'elle accomplit cet acte, elle voit des gens la regarder, alors le diable vient lui enjoliver son action de sorte à ce qu'elle fasse de l'ostentation. Alors cette personne tombe dans l'ostentation à cause d'une de ces trois choses. La première, parce qu'elle aime les éloges des gens. La deuxième, parce qu'elle veut fuir le blâme des gens. La troisième, parce qu'elle cherche une chose qui se trouve chez les gens. Quant à la première, elle aime les éloges des gens. Que faire des éloges des gens si Allah subhanahu wa ta'ala ne les fait pas? Que faire des éloges des gens si Allah n'accepte pas? Et la deuxième, la personne veut fuir le blâme qu'on lui fait. Si elle ne fait pas de bonnes actions, alors elle se met à faire des bonnes actions. À quoi sert le blâme d'une personne? Est-ce que le blâme d'une personne te fait entrer en enfer? Est-ce que le blâme d'une personne descend ton rang chez Allah subhanahu wa ta'ala? La troisième chose, la personne fait de l'ostentation parce qu'elle veut une chose qui se trouve chez les gens. Alors qu'Allah dit, ô vous les âmes, vous êtes les besogneux envers Allah, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Et Allah à celui est le riche qui se passe de vous. Celui qui se met constamment à l'esprit qu'Allah observe son cœur parfaitement et qu'il connaît le contenu de sa poitrine, cela l'aidera à être sincère. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des gens sincères, qui lorsqu'il parle, ils ne veulent par cela que la récompense qui se trouve chez Allah, et qui lorsqu'ils font des bonnes actions, ils ne veulent par cela que la satisfaction et l'agrément d'Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.